La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La simple évocation de leur nom rafraîchit nos papilles. Citron, orange, pamplemousse ou clémentine. Depuis des temps immémoriaux, la grande famille des agrumes fait le bonheur des hommes. L'évolution de ces fruits a fait l'année dernière l'objet d'une étude publiée dans la revue Nature. Elle montre que tous les premiers spécimens d'agrumes remontent à 8 millions d'années. Avec mon invité dans un instant, nous allons suivre la grande aventure des agrumes pour vous raconter comment une espèce ancestrale a donné naissance à autant de variétés de fruits différents. L'émission étant enregistré, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la Une de la Science, Héloïse, aujourd'hui on s'intéresse à l'état de l'exploitation des ressources marines par la pêche française. Oui Mathieu, parce que d'après des chiffres qui viennent d'être rendus publics par l'Ifremer, à peine un stock de poissons sur deux est pêché de manière durable en France. Il y a donc quelques progrès à faire. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui aux décisions absurdes. Fanny Boyon réalise l'émission préparée aujourd'hui par Chantal de Montagny avec Anna Massardier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Franck Kurk. Bonjour. Vous êtes agronome et généticien à la station de recherche agronomique INRA-CIRAD à Saint-Giuliano en Corse. On va parler donc des agrumes avec vous. Qu'est-ce qu'on savait justement des tout premiers il y a entre 6 et 8 millions d'années alors ? Alors on ne sait pas trop quelle forme ni quelle tête ils avaient. En revanche, ce qu'on sait, c'est que c'était certainement des fruits avec des glandes à huile étanche et à huile essentielle, parce que c'était des rutacées, comme les agrumes actuels, et une organisation en quartier, qui est en fait la marque de fabrique des agrumes. Donc on va les décrire avec vous, et puis vous avez fait tout ce travail. C'est quoi, une sorte d'arbre généalogique au fond de ces fruits que vous avez réalisé ? On commence à avoir une meilleure idée de l'arbre généalogique de ces fruits, mais il n'est pas encore complet. Allez, on va en discuter avec vous, et avec les questions des auditeurs, un peu d'acidité dans cette tête au carré, avec les messages sur franceinter.fr. Héloïse Rambert, aujourd'hui à la Une de la Science, un état des lieux de la pêche française et peut-être aussi une remise en question de nos habitudes de consommateurs, on va le voir. Oui Mathieu, l'Ifremer, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, vient de rendre public son bilan 2018 et il nous apprend qu'une petite moitié des stocks de poissons pêchés par la France proviennent de stocks dits bien exploités. Alors on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. On rejoint Didier Gascuel au téléphone pour qu'il nous explique ce chiffre en toute objectivité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en écologie des pêches à Agro Campus Ouest à Rennes. Alors donc les chiffres exacts, c'est 48% des poissons issus de la pêche sont issus de stocks bien exploités et un quart de stocks surexploités. Avant d'aller plus loin, de quoi on parle ? Qu'est-ce que veulent dire ces notions ? Alors ce qu'Ifremer a fait dans cette étude, Ifremer a fait un très gros travail de compilation en regardant la situation de chacun des stocks exploités par les flottilles françaises. Ils ont donc regardé plus de 240 stocks. La morue de mer du Nord, la langoustine, le golfe de Gascogne, la plie, etc. Et pour chaque stock, ils ont regardé quel était le taux d'exploitation. Le taux d'exploitation, c'est le pourcentage de poissons qu'on pêche chaque année. Et pour chacun des stocks, les scientifiques sont en mesure de calculer quel est le taux d'exploitation optimal, celui qui va permettre une pêche qu'on qualifie aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir, de durable, et en réalité qui permet une capture maximum sur le long terme. On sait par exemple que pour les sols ou les morues, on peut capturer tous les ans 20% des poissons présents. Pour le thon, c'est plutôt 10%. Pour des espèces comme par exemple le maquereau, on est un peu au-delà de ces chiffres-là. Et donc, Ifremer a comparé le taux d'exploitation actuel à ce taux d'exploitation optimal. Et le résultat de l'étude est effectivement que sur les 240 stocks examinés, il y en a 105 pour lesquels on est dans cette fourchette, où on est en dessous de la fourchette ciblée par la gestion des pêches, qui est de ce taux optimal. Ce qui représente effectivement, en gros, un poisson sur deux que nous consommons aujourd'hui vient donc d'un stock qui est pêché conformément aux objectifs que s'est donné l'Europe en matière de gestion des pêches. À l'inverse, il y a un poisson sur quatre pour lequel le taux d'exploitation est trop élevé, on prélève un trop fort pourcentage de poissons tous les ans, et un quart des poissons pour lequel, eh bien, on ne sait pas. On n'a pas de diagnostic parce qu'on n'a pas les données, on ne sait pas où on en est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous inspire ces chiffres ? Ils sont bons ou ils sont plutôt mauvais ? Alors, Comme vous l'avez dit, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La première chose qu'il faut dire, c'est que la situation s'est très fortement améliorée par rapport à il y a une dizaine ou il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, un poisson sur quatre, en gros, surexploité, nous étions à plus de 3 sur 4 il y a une quinzaine d'années. Donc la pression de pêche a énormément baissé, le pourcentage de poissons qu'on pêche tous les ans a énormément baissé. On estime en valeur moyenne, alors c'est un ordre de grandeur, hein, mais en valeur moyenne, on estime que sur tous les grands stocks européens, on était, il y a encore une quinzaine d'années, à un taux de prélèvement de 45% de la biomasse chaque année. Ça veut dire qu'un poisson, presque un poisson sur deux, présent dans la mer, était pêché chaque année. Et le taux optimal vers lequel il faut tendre, dans le cadre des objectifs actuels de la politique européenne des pêches, il est plus près de 20%. On est aujourd'hui descendu de 45 à 25. Donc les choses vont beaucoup mieux. La pression de pêche a baissé, elle était presque divisée par deux. En même temps, le verre est à moitié vide, puisqu'il y a encore qu'un poisson sur deux qui ont atteint l'objectif. L'Europe s'était donné pour objectif que tout soit géré de manière durable, avec cet objectif de taux d'exploitation optimale à l'horizon 2020. De toute évidence, nous n'y serons pas. La progression est trop lente. Et puis on peut dire une dernière chose, c'est que les scientifiques se sont fortement félicités du fait que les choses allaient de mieux en mieux jusqu'à ces toutes dernières années. Et dans son dernier rapport, le Conseil scientifique des pêches de l'Union européenne s'est inquiété du fait que les progrès réalisés avaient l'air de se stopper depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et alors, l'IFREMER, pour parler de pêche durable, parle uniquement donc de la pression de pêche, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères importants pour parler de la pêche et de sa qualité ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je trouve que le terme employé par Ephrémère de bien exploité est un peu discutable. On pourrait également regarder quel est le niveau d'abondance de chacun des stocks. Il faut savoir que ce critère de pêche durable tel qu'il est aujourd'hui défini et utilisé ne s'intéresse pas à l'abondance du stock. Le taux optimal, les taux optimaux que je vous ai cités tout à l'heure conduisent à ce qu'en moyenne, les stocks voient leur abondance divisée par 2,5 ou 3, comparativement à une situation sans pêche. Et effectivement, lorsque vous divisez l'abondance d'un stock par 2,5 ou 3, c'est le point auquel ce stock-là produit sur le long terme la capture maximale, et puis il peut rester dans une situation d'équilibre relativement longtemps. Donc si on raisonne stock par stock, et du point de vue de la capture, oui, ça paraît optimal. Maintenant, on peut se poser la question de quel est l'impact de cette réduction de toutes les biomasses par 2,5 ou 3 sur le fonctionnement de l'écosystème, sur sa résilience, sur les autres espèces, les proies, les prédateurs, etc. Donc, pour réellement parler de pêche durable, il faudrait s'intéresser non seulement au taux d'exploitation, mais aussi au niveau d'abondance de chacun des stocks. On sait qu'on pourrait pêcher tout autant avec des impacts plus faibles, par exemple en augmentant les maillages. Et puis, il faut s'intéresser plus globalement au fonctionnement de l'écosystème. Et alors, quelles sont les côtes françaises les plus en difficulté ? Est-ce qu'il y a des mers plus ou moins respectueuses des poissons ? Oui, alors... Très clairement, il y a peu de différence côté Atlantique. Il y a donc un chiffre moyen de 25% de stocks surexploités. C'est la moyenne française. On fait un petit peu mieux en mer du Nord, un petit peu moins bien sur la côte Atlantique, au large de la Bretagne ou sur les côtes vendéennes. Assez peu de différence. Là où il y a une très forte différence, c'est la Méditerranée. Et clairement, la Méditerranée est le point où l'état des stocks est aujourd'hui très mauvais. Ifremer, dans son étude, indique qu'on n'a pas les données pour de très nombreux stocks. Les études européennes confirment ça et ajoutent que, pour ceux pour lesquels on a des données, on voit clairement que la surexploitation est au moins de l'ordre de 80, voire 90% des stocks exploités aujourd'hui. Didier Gasquel, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur si on veut justement participer au maintien aussi de la biodiversité marine ? Alors, j'ai envie de dire, premièrement, il ne faut pas faire, contrairement à ce que pensent beaucoup de consommateurs, se ruer sur le poisson d'élevage. Le poisson d'élevage, chez nous, c'est essentiellement le saumon. Le saumon mange de la farine de poisson. Et chaque fois qu'on mange un saumon, on aggrave les problèmes de surpêche. Mmh. Et puis, deuxièmement, il faut privilégier les petites espèces, les sardines, les anchois, les maquereaux. Ou à l'inverse, lorsqu'on pêche des grandes espèces, la morue, par exemple, il faut préférer les gros poissons, préférer les dardes de poissons aux filets de poissons. Vous donnerez le signal aux pêcheurs que vous voulez que les stocks se portent bien avec beaucoup de gros poissons dans la mer. Merci beaucoup Didier Gasquel. On peut signaler un ouvrage qui va sortir, Louise ? Oui, vous allez sortir aux éditions Actes Sud, l'ouvrage « Pour une révolution dans la mer » et c'est à paraître fin mars. Merci beaucoup Didier Gasquel. Merci à vous, Louise. À demain. Merci. Allez, dans un instant, notre dossier consacré aujourd'hui aux agrumes. In Your Face, Cat Power sur France Inter. La tête au carré sur France Inter. Des fruits des orangers et citronniers. Toutes les oranges sont douces ou aigres douces, c'est-à-dire mêlées d'aigreur et de douceur. Les aigres sont pour les sauces, les autres sont pour manger cru, ainsi que d'autres fruits. Dans la première classe, il y en a de douceâtres et pour ainsi dire fades. Les meilleures des douces sont les oranges de Portugal et celles d'une autre sorte, de grosses oranges à écorce fine qui viennent des Indes. Les petits orangers de la Chine sont aussi fort agréables. Dans la classe des oranges aigres, les bigarades sont les meilleures, les plus belles et les plus considérables. Celles des orangers qu'on appelle riches dépouilles et celles des orangers communs, soit greffés, soit sauvages, sont aussi fort bonnes. La Quintinie. Voilà, texte effectivement de Jean-Baptiste de la Quintigny, agronome, créateur du potager du roi à Versailles, avec ses instructions pour les jardins fruitiers et potagers 1690, extrait de l'émission de Bouche à Oreille sur France Culture en 2002. Et je voyais Franck Kurk réagir à ce que vous entendiez. Les informations sont toujours les mêmes plusieurs siècles plus tard, finalement? Oui, je réagissais avec plaisir parce que, en fait, c'était très bien décrit. Et on parle de ces premières variétés d'agrumes qui sont arrivées en Europe. Et en France, grâce à... C'est Louis XIV qui Alors Louis XIV invente l'orangerie et donc invente les serres. Alors, les orangeries du château de Versailles sont les ancêtres des serres. Et en fait, tous les grands rois d'Europe voulaient des agrumes qui étaient cultivés en Italie à l'époque, un peu plus au sud. Et comme à Paris, la culture des agrumes est un peu compliquée à cause du climat, il a construit une partie de son château pour accueillir ses plantes. Ouais. Et il a inventé les serres, tout simplement. C'est ça. Donc les orangeries, au départ, étaient vraiment dédiées spécifiquement aux agrumes. L'orangerie de Versailles était dédiée au départ aux agrumes. Et on parle dans le petit son qu'on vient d'entendre des bigarades, des oranges amères. En fait, ce sont les premières oranges qui arrivent en Méditerranée, enfin qui arrivent en Europe en tous les cas. Ouais. On connaissait pas l'orange douce, on connaissait l'orange amère. Et il y a une petite histoire sympathique justement au sujet d'un bigaradier. Oui, c'est ça. L'arbre. Le grand qui s'appelait le grand connétable. Ouais. Qui est arrivé en France, je crois, c'était en 1400 et quelques, et il est mort en 1800 et quelques. Il a vécu plus de 400 ans en changeant de propriétaire. Il est passé par François Ier et jusqu'à Louis XIV. Ouais. Et il est mort au 19e siècle. Et on le décrivait encore comme un arbre magnifique qui était énorme et toujours en pot. Ouais, incroyable. Alors le bigaradier, alors pour l'émission justement, on a établi une liste, on est allé voir un petit peu, parce que le nombre de variétés d'agrumes, c'est absolument hallucinant. On en connaît très peu, hein. Finalement, je citais le pamplemousse, l'orange, le citron, voilà, la bergamote évidemment aussi, mais le bigaradier, le calamondin, le cédra, le kombawa, le kabotsu, qu'est-ce que c'est exactement? Kabotsu, oui, kabotsu, qui est une variété japonaise un peu bizarre. En fait, j'ai la chance de travailler dans un jardin extraordinaire où je côtoie toutes ces variétés, puisqu'on a en Corse, on cultive sur 13 hectares plus de 1000 variétés. Alors c'est une collection et ça se présente sous la forme d'un verger où tous les 3 ou 4 arbres, vous avez une variété différente. Incroyable. Et donc c'est un spectacle assez impressionnant. À San Giuliano donc. Hein. Oui, une quarantaine de kilomètres au sud de Bastia. Ça. C'est aussi un centre de recherche, hein. C'est avant tout d'ailleurs pour ça, puisque c'est un centre IRD CIRAD. Qu'est-ce que vous y faites d'ailleurs dans ce centre? Alors c'est un centre INRA CIRAD. Ouais. IRD. Oui, mais c'est l'INRA, l'INRA et le CIRAD qui sont réunis ensemble. En fait, c'est une station qui a été créée exactement il y a 60 ans, en 1958, à partir de collections d'agrumes qui étaient présentes en Afrique du Nord. Et au départ, ça a été essayer de comprendre et comment cultiver ces variétés. Et petit à petit, cette collection a grandi avec des introductions d'Espagne, des États-Unis, de Chine. Et aujourd'hui, c'est un outil de recherche, essentiellement, où on essaie de comprendre la biologie de la reproduction des agrumes, essayer de comprendre un peu la structure génétique des variétés cultivées pour voir si on peut créer de nouvelles variétés, toujours en passant par les voies naturelles, mais donc faire des programmes de création, faire de la recherche fondamentale sur justement comment fonctionne toute cette génétique. Mais c'est également un outil de communication, un outil d'éducation et aussi, on le dit peu souvent, un outil de développement local. Puisque à partir de cette collection et de cette station de recherche, est née en Corse une filière agrumes, s'est structurée en Corse une filière agrumes. Et on a eu une sorte de coévolution entre un centre de recherche et une filière qui est aujourd'hui reconnue, la clémentine de Corse, à partir de variétés sélectionnées et testées dans le centre de recherche. Ouais, c'est un centre très important dans le monde aussi, hein, pour les amateurs d'agrumes. Vous êtes dans les tout premiers à avoir autant de variétés. Alors, on fait partie des grosses collections du monde, mais quand vous allez dans un pays producteur d'agrumes et que vous dites San Giuliano, qui est le nom d'un petit village de Corse que peu de personnes connaissent. Tout le monde connaît San Giuliano. Ah, mais il y a un centre de recherche là-bas. Donc, on a rendu célèbre dans le monde entier le nom de ce petit village. Ouais. Pourquoi essayer d'ailleurs de faire de nouvelles variétés d'agrumes? Ça correspond à quelle demande finalement aujourd'hui? Il y en a tellement déjà qui existent. Alors, on fait les deux. On essaie de valoriser ce qui existe, ce que l'on a, et c'est pratiquement infini. Mais on a aussi des objectifs liés à des demandes de marché et des problématiques nouvelles. Donc, on a deux gros programmes de création variétale qui sont, une, essayer de trouver des fruits de type clémentine, mais pas vraiment des clémentines, des types de petits fruits faciles épluchés, clémentine mandarine sans pépins, tardive. Ouais. Pour arriver à une production qui arriverait justement après la clémentine. Donc puisque là, il y a une demande du consommateur. Il y a une demande du consommateur, des producteurs, des distributeurs. Mmh. Et puis un autre programme de création de citron vert, cette fois-ci, qui répond à un besoin, par exemple, des Antilles françaises, mais pas seulement, puisque tout le continent américain est touché par une très grave maladie qui s'appelle la maladie du dragon jaune, et qui détruit les cultures d'agrumes dans cette zone-là. Et aux Antilles, les citrons verts sont en train de dépérir à cause de cette maladie. Donc on a mis en place depuis 2-3 ans, depuis qu'on a les résultats de recherche sur qui sont les parents du citron vert, un programme de création variétale pour essayer de trouver des citrons verts qui résisteraient à cette maladie. Qui sont les parents du citron vert, mais de tous les agrumes au fond, hein, c'est ce que vous recherchez aussi à savoir. Ce qu'on essaye de retrouver tout à fait, ouais. Avec, on a une telle diversité en fait en collection qu'on peut aller regarder et comparer les ADN de chacun pour essayer de trouver le papa, la maman, l'ancêtre, c'est le ça. Descendant de toutes ces variétés. Alors ça nous fait remonter où alors les traces les plus lointaines aujourd'hui, elles correspondent à quelle datation à alors peu près là, on réussit à remonter autour de 7-8 millions d'années pour la toute première diversification, spéciation de différentes espèces d'agrumes. Ouais. Et puis une autre 4 millions d'années qui se passe un peu plus loin en Australie. La première avait lieu en Chine, la deuxième avec l'Australie, avec des variétés aujourd'hui considérées comme des variétés sauvages australiennes, mais qui commencent à être assez connues, comme le citron caviar par exemple. Ouais, on va y revenir évidemment avec vous, puisque ça fait l'objet d'une publication récente dans Nature. Des traces d'ADN, il y en a encore à 6 ou 8 millions d'années? Non, alors on regarde l'ADN actuel, ah, on le compare, et en fait avec des calculs savants sur le nombre de mutations et le temps considéré entre différentes mutations, on estime une période et on peut remonter à un point commun qui serait lié pour la première division 7-8 millions d'années, la seconde 4 millions d'années. Alors vous êtes ingénieur agronome et généticien, donc pour préciser qui vous êtes, Franck Kurk, donc dans cette station de San Giuliano, vous êtes aussi le co-auteur avec Anne-Sophie Pic, hein, la grande chef aux éditions La Maison de ce livre, Agrumes. Alors, qu'est-ce qui caractérise un agrume s'il fallait faire une fiche signalétique et un portrait robot? Oui, en jeu, quand on reçoit des scolaires, on pose toujours la question, qu'est-ce qu'un agrume? Quel fruit est considéré comme un agrume, ouais. Quel autre fruit non? Alors. Et en fait, on essaie de faire deviner un peu ce qui caractérise un agrume. Alors, je voulais un peu dire en introduction de l'émission, d'abord, les agrumes sont des rutacées, donc des plantes à glandes à huile essentielle. Donc, vous avez des glandes à huile essentielle sur le zeste. Mais ce qui caractérise vraiment les agrumes, c'est cette organisation en quartiers. En fait, hein, l'orange, la clémentine, le kumquat, la bergamote et même le poncirus ont ce point commun d'être organisés en quartier. Il n'y a pratiquement aucun fruit qui a cette structure de quartier avec des téguments qui enveloppent des petits sacs à jus, ce qu'on appelle les poils succulents avec le jus des agrumes. Alors souvent les gens me disent oui, mais le mangoustan par exemple, oui, le cédrat ont des quartiers également. Ah, oui. Alors le cédrat manbouda par exemple, oui, qui est très bizarre. C'est celui auquel je pensais. Chaque quartier s'individualise en doigts. Et donc, ouais. En fait, on n'a pas cette structure en quartier, mais on la voit encore par rapport à ces doigts bizarres. On l'appelle la main de Bouddha. Hein. Cédra main de Bouddha, c'est exactement. C'est pour cette raison-là. Tout à fait. C'est une variété très ancienne qui a été trouvée en Inde et puis introduite en Chine par des bouddhistes, d'où son nom de main de Bouddha. Et on retrouve des bijoux en jade de l'époque Ming qui représentent ce fruit. Et ce qui est étonnant, c'est que ce fruit, naturellement, ne peut pas se reproduire parce qu'il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de pulpe, il n'y a que de la peau. Et il a été reproduit depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui par bouture ou greffage successif, qui chez les végétaux, en fait, sont synonymes de clonage. Franck Kurk, vous êtes notre invité. On voyage au pays des agrumes grâce à vous. Et les questions des auditeurs, je vous les transmets dans un instant. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil, maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous, le destin, pas honte. les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a quoi planer. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être. L'homme pâle, c'était trop beau à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Franck Urc avec nous, ingénieur agronome donc dans ce centre de recherche INRA-CIRA donc à San Giuliano en Corse, avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque avant de partir à Menton dans un instant avec un reportage qu'on va écouter ensemble. Citons peut-être, Franck Urc, d'autres agrumes peut-être moins connus hein, que ceux qui sont régulièrement sur nos étals. L'ougli, tangeur, tangerine, tangelo, sudachi, d'où viennent-ils? Qui sont-ils tous ces agrumes? Alors, beaucoup d'agrumes sont originaires d'Asie. Ouais. Le sudashi est une variété japonaise, par exemple, plus utilisée. C'est un agrume plus utilisé comme condiment que comme fruit frais à consommer directement. En revanche, vous avez cité le tangelo ou les tangors. C'est intéressant d'indiquer et d'expliquer l'origine de ces noms. En fait, c'est des noms de groupe. Alors, les tangors, ce sont des hybrides entre la mandarine et l'orange. Alors, mandarine et orange, pourquoi tangor? Parce que les premières mandarines qui sont arrivées aux États-Unis venaient de Tanger, d'où le nom anglais de tangerine, avec l'accent tangerine. Donc, l'hybride entre tangerine et orange, tangor. Et donc, il y a plusieurs tangors. La clémentine, par exemple, on pourra raconter son histoire tout à l'heure, est un hybride entre mandarine et orange. Et puis, vous avez les tangelo, qui sont des hybrides entre tangerine et pomelo. Et pomelo. Bon, on fera la distinction entre le pamplemousse et le pomelo également avec vous. Ce ne sera pas inutile de le faire. Combien d'appellations en France autour des agrumes? Très peu, hein, au fond. Alors, d'indications géographiques protégées, donc d'appellations d'origine, encore une fois, indications géographiques protégées, IGP, il y en a trois sur les agrumes en France. Vous avez la clémentine de Corse, qui est la plus ancienne, le pomelo de Corse et le citron de Menton. C'est tout. C'est tout. Et attention, ces appellations ne désignent pas des variétés, mais bien des terroirs. C'est-à-dire que si vous habitez en Corse, vous ne pouvez pas avoir dans votre jardin un citronnier de Menton. Et si vous habitez Menton, vous ne pouvez pas avoir dans votre jardin un clémentinier de Corse. Puisque ce qui caractérise l'appellation de Corse ou de Menton, c'est de cultiver ces agrumes dans leur terroir. Et bien justement, partons ensemble à Menton, retrouver Michel Courboulex, directeur de la Gazette des Jardins, qui s'exprimait en 1997 dans La Main Verte, toujours sur France Culture. Alors, c'est un très beau jardin exotique dans lequel on peut voir des plantes tropicales. Juste à côté du parc du Pien à Menton où il y a des centaines d'oliviers. En fait, les agrumes sont vraiment des arbres acclimatés, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est des plantes tropicales qui poussaient. La première zone d'origine, c'est le Bangladesh. Mais par contre, ce sont des arbres qui ont donné le maximum de leurs possibilités en étant acclimatés en climat méditerranéen, c'est-à-dire en climat avec hiver froid. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'agrumes qui, dans leur aire d'origine, donnaient des fruits assez peu sucrés, assez peu goûteux, dès qu'ils subissaient les froids hivernaux qu'on trouve en France, mais en Espagne aussi, et même au Maroc. Ça leur donnait plus de coloris, et surtout, il y a une réaction sucrée. C'est-à-dire que... Plus de goût. Voilà. C'est-à-dire que cet arbre, il y a beaucoup d'arbres qui sont insipides en région tropicale, qui acclimatés en région méditerranéenne. Ils s'épanouissent totalement au bord Tout à fait. C'est le cas de l'oranger. Alors Franck Kurk, on va évidemment parler un petit peu des citrons de Menton dans un instant, mais ça c'est intéressant parce qu'il y a tout le cheminement justement de ces agrumes qui, en quittant finalement les zones tropicales, ont trouvé dans le bassin méditerranéen en particulier du goût, du sucré, hein, c'est ça, et une façon d'être consommé différemment. Oui, alors ils trouvent quand ils arrivent dans les zones froides, comme le disait très bien Monsieur Courboulex, c'est quand ils arrivent dans les zones froides, ils acquièrent de la couleur extérieure et intérieure. En revanche, c'est plus que du sucre, c'est un équilibre sucre-acide. Qui est atteint. C'est-à-dire que dans les zones tropicales, comme ça a été dit, les fruits étaient plutôt fades, non pas par manque de sucre, mais par manque d'acidité qui ne relevait pas suffisamment le goût. Une des caractéristiques de la clémentine de Corse, par exemple, c'est ce petit goût acidulé, où si on fait goûter la clémentine de Corse à des consommateurs asiatiques, ils vont la trouver même trop acide. On a vraiment atteint cet équilibre sucre-acide qui intéresse le marché européen en cultivant certains agrumes en Méditerranée, comme la clémentine ou l'orange. Et alors, c'est arrivé au Bangladesh, ce départ du Bangladesh, alors, est-ce que c'est, Asie du Sud-Est, à la lumière des dernières études, justement? Oui, c'est Asie du Sud-Est, il y a certaines variétés qui en effet viennent du Bangladesh, mais en fait, on va retrouver des agrumes du nord de la Chine, en termes de zone d'origine, du nord de la Chine jusqu'à l'Australie, en passant par les archipels entre les deux. Donc, oui, le Bangladesh aussi, mais on va avoir les pamplemousses plutôt zone de Thaïlande, les mandarines plutôt au nord de la Chine, les cédras plutôt la frontière entre la Chine et l'Inde, par exemple. Il faut dire que le son qu'on vient d'entendre date de 1997, donc depuis, les connaissances se sont précisées. Notamment en génétique, oui, on n'avait pas encore tous les résultats que l'on a obtenus il n'y a pas très très longtemps. Un mot sur Menton, justement, zone d'appellation du citron en particulier. Comment est arrivé le citron et pourquoi à Menton, là, exactement? Alors, en France métropolitaine, l'une des rares zones où on peut cultiver les agrumes, c'est la Corse. Je rappelle que la Corse fait partie de la métropole. Mais le Menton fait partie des zones à microclimat un peu particulier et du coup les agrumes s'y trouvent plutôt bien, même si on a trouvé des oranges et des bigaradiers dans le sud de la France à plusieurs endroits, mais quand il y avait de gros gels, en général les arbres vivaient pas très longtemps. Le citron méditerranéen tel qu'on le connaît aujourd'hui, le citron jaune, que je qualifie moi de méditerranéen parce que symboliquement c'est vraiment le gros symbole de la Méditerranée, ce citron jaune, pas le citron vert, ce citron jaune, peau épaisse, très acide, très parfumé, on le retrouve dans toutes les cuisines méditerranéennes, du nord de l'Afrique en passant par le sud de l'Europe, vous faites tout le tour. C'est le même. Alors, il y a plusieurs sélections ou variétés, mais c'est vraiment le même citron jaune qu'on va retrouver dans toutes ces cuisines-là. Et il arrive en Méditerranée. On pense qu'il est né dans le grand est de la Méditerranée, voire le Moyen-Orient. Il serait pas né en Asie. Il arrive en fait en culture réelle dans le nord de l'Italie. Et Menton, à l'époque, faisait partie du nord de l'Italie. Et on a cette tradition de la culture de citron de Livourne jusqu'à Menton. Et là, on a une des rares zones françaises de culture du citron traditionnelle, d'où la possibilité d'avoir une indication géographique protégée, donc la définition d'un terroir. Un terroir, c'est une plante donnée, cultivée dans un sol donné, avec un climat donné et un savoir-faire donné. Il y a l'homme dans le terroir et le citron de Menton caractérise tout ça. Sur le parfum justement des agrumes, est-ce que là aussi, on peut faire quasiment une cartographie pour essayer de définir la saveur et le parfum. Justement, vous parliez des huiles essentielles tout à l'heure. Ça correspond à des zones géographiques très précises? En fait, le terroir va avoir une influence sur ces différentes huiles essentielles, mais on a un tel panel de parfums en fonction des variétés d'agrumes que ça peut être compliqué de définir une zone géographique. Pour un même citron, on pourra avoir, ou des oranges, on pourra avoir des parfums différents en fonction des zones cultivées. Mais les agrumes, en effet, je dis toujours que si on réussissait à éplucher une orange ou une clémentine sans rompre les glandes à huile essentielle, elles n'auraient pas le même goût. Parce que le goût, c'est dans la bouche, mais c'est aussi dans le nez. Et ces huiles essentielles que vous souillez vos quartiers, quand vous mangez, vous épluchez l'orange ou la clémentine, vous souillez les quartiers d'huile essentielle, et vous avez un goût particulier. Et cette huile essentielle du zeste des agrumes, l'huile essentielle, on va la trouver dans le zeste, la feuille et la fleur. Et ces huiles essentielles, elles ont été depuis très longtemps utilisées. Donc l'huile essentielle du zeste, on utilise par exemple la bergamote. Justement, il y a une question là-dessus, je vais vous la transmettre dans un instant. L'eau de Cologne, la base, c'est la bergamote. Le bonbon, la bergamote de la ville de Nancy. Vous m'enlevez de la bouche. Une autre IGP, indication géographique protégée, mais c'est le bonbon. C'est pas l'appellation du bonbon, c'est pas la bergamote, c'est pas le fruit. Et à Nancy, les bergamotiers, en tous les cas, ne poussent pas. C'est ça. il fait vraiment trop froid. Vous répondez à la question de Jocelyne qui habite à Pont-à-Mousson et qui justement se demandait pourquoi est-ce qu'on appelait ces bergamotes de Nancy. Alors elles sont faites à partir de l'huile essentielle de zeste de bergamote, qui est essentiellement produit en Calabre et un peu en Côte d'Ivoire. C'est un pâtissier, enfin un confiseur qui invente cette recette et puis qui invente même une légende autour du roi Stanislas avec les bergamotes. Mais la bergamote ne pousse pas à Nancy. Alors quels fruits sont à l'origine du bergamotier d'ailleurs ? Alors la bergamote, c'est une histoire assez étonnante. Un botaniste italien qui travaillait pour Napoléon a émis l'hypothèse que la bergamote serait née d'un croisement entre un citron jaune et la bigarade, l'orange amère. Et puis quelques années après, il a été contredit plusieurs fois. Et en fait, nos travaux montrent que ce monsieur, en 1800 et quelques, avait raison. Et génétiquement, donc, la bergamote est un hybride naturel entre le citron et la bigarade. Ouais. Sauf que, chez les agrumes, il y a des relations un peu bizarres, la bigarade est la maman du citron. Ah oui, et voilà. Donc c'est un peu voilà. Oui. La bergamote est née de relations sexuellement. Il se passe des drôles de choses. Ah, chez les agrumes, ça c'est particulier. Il y a un peu d'inceste même. C'est ce que vous essayez de nous dire. Alors cette étude que vous avez menée là, qui a fait l'objet justement avec vos confrères, parce que vous avez des confrères du monde entier qui ont travaillé là-dessus, les meilleurs spécialistes des agrumes ont publié dans Nature. En fait, c'est des gens que l'on appelle nos amis de tous les 4 ans, puisque tous les 4 ans, on a un grand congrès scientifique sur les agrumes un peu partout dans le monde. Et donc là, on a travaillé avec l'Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias pour le dire avec l'accent de Valence. Bien espagnol. Muchas gracias. Mi mujer es española. Ah, vale. Et donc, en fait, à Valence, spécialiste des agrumes, on a travaillé également avec les universités de Floride et de Californie pour sortir ce papier dans Nature, et un collègue également, Patrick Olitro, qui est au CIRAD aux Antilles. Qu'est-ce qu'on retient justement de cette publication ? Qu'est-ce qu'il faut retenir justement ? C'est vraiment ce point d'origine et ces deux origines au fond d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs informations. Il y a cette origine, mais aussi le fait que les classifications que l'on utilise aujourd'hui sur les agrumes, parce que paradoxalement on utilise 3 classifications en parallèle, elles sont pas forcément juste du point de vue biologique, puisqu'on retrouve en fait des liens qui sont différents de cette classification utilisée. Donc remet en cause la classification. Ça remet en cause, c'est ça. Ensuite, on trouve aussi une information sur l'origine des mandarines consommables, où on se rend compte que les mandarines sauvages, à l'origine, étaient plutôt acides et pas très agréables à manger, et qu'il y a eu des relations avec nos amis les vrais pamplemousses, qui font que les mandarines que l'on consomme aujourd'hui auraient acquis leur caractère agréable à manger et intéressant, enfin, à la vue et au goût, par des introgressions pamplemousses, c'est-à-dire des morceaux de la génétique des pamplemousses dans les mandarines. Donc il y a eu des croisements. Mais ça, c'est la main humaine. C'est des clonages humains ou pas ? Non. Alors, on ne parle pas de clonage, on parle de sexualité. C'est-à-dire que chez les plantes, je vais faire mon petit cours, comme pour les enfants, le pollen, la fleur. Donc le pollen, la partie mâle, la fleur, la partie femelle, le pistil. Et donc on parle bien le citron. Quand je dis que le citron est un hybride entre le cédrat, l'ancêtre du citron jaune, donc le cédrat, son papa et la maman, la bigarade. C'est naturel, au fond. C'est un processus naturel. C'est du pollen de cédrat qui s'est posé sur une fleur de bigarade. Attention, la fleur de bigarade pollinisée donne bien une bigarade. En revanche, les pépins de cette bigarade, puisque la pollinisation ne va pas changer la nature du fruit, mais changer la descendance, un de ces pépins de bigarade a donné un citronnier. A donné un citronnier il y a très très longtemps. Oui. Et le citronnier qu'on a aujourd'hui, lui, en revanche, on l'a cloné successivement. Mais alors, ce qui est paradoxal chez les agrumes, c'est qu'il peut se cloner tout seul par pépin. Si vous plantez un pépin de citron, prenez un citron, vous récupérez le pépin, vous avez en gros 70% de chance d'avoir un arbre qui est identique à la maman, le clone de la maman, et 20% d'hybride. Ouais. Et l'homme a mis sa main là-dedans à partir de quand alors finalement ? Il a procédé à des clonages. Alors, les traces écrites de la culture des agrumes, elles datent de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ en Chine. C'est les plus anciennes traces écrites, l'oranger, qui était cultivé en Chine 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc on pense que c'était même un peu avant où l'homme a commencé à le cultiver. Et encore une fois, les agrumes avaient cette possibilité d'être multipliés à l'identique de pépins. Donc traditionnellement, les gens, on le fait encore aujourd'hui en Polynésie pour le citron vert. On plante des pépins pour avoir des arbres. On le fait à l'île de la Réunion. On le fait dans plein de zones où traditionnellement les orangers du plateau de Tahiti sont multipliés à partir de pépins sans aucun problème. Franck Kurk, dossier agrumes dans La Tête au Carré cet après-midi. Dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, sur

Alors, on peut cuisiner sans agrumes, mais en revanche... Ça manquerait beaucoup quand même, ça manquerait dans plein de circonstances. Moi, je suis né au cœur de la Méditerranée, donc ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le citron jaune fait partie totalement de la cuisine méditerranéenne, quel que soit le pays méditerranéen. Même le Portugal, qui n'a pas de côte méditerranéenne, est un pays important. C'est vrai, sans citron, ce serait quand même compliqué. C'est extraordinaire, une cuisine libanaise sans citron, impossible. La cuisine italienne de ma maman sans citron, pas possible. La cuisine de ma femme espagnole sans citron, impossible. Vous voyez, donc c'est vraiment même en Corse, le dessert traditionnel, le fiadone, qui est un mélange de brooch ou de brooch mélangé avec des œufs, du sucre, forcément un zeste de citron. Quel travail vous avez mené avec Anne-Sophie Pic? Alors c'était quoi la répartition des tâches entre le grand chef et l'agronome? Alors dans ce livre, nous, ce que l'on a fait, parce que je ne suis que co-auteur, il y a toute l'équipe du conservatoire des agrumes de San Giuliano qui a travaillé sur... On a raconté l'histoire de notre conservatoire, on a raconté également l'histoire des agrumes et on a décrit plus de 130 variétés du conservatoire, et Anne-Sophie Pic a joué le jeu en proposant des recettes. Certaines de ces recettes et d'autres recettes d'autres chefs ou de transformateurs qui étaient même artisans en Corse, à partir de cette diversité extraordinaire qu'on avait dans la collection. Et c'est aux éditions La Maison pour ceux que ça intéresse. Des questions pour vous sur Twitter. Quid justement de la maladie du dragon jaune, on en parlait tout à l'heure, et des moyens de la combattre, notamment par génie génétique? Alors, la maladie du dragon jaune aujourd'hui est une maladie qui est présente partout, pratiquement partout dans le monde, sauf en Méditerranée. Alors, on en connaît l'origine? C'est asiatique, en fait, au départ, puisque son nom chinois, c'est Wang Longbin. Ancien nom anglais, le greening, maintenant maladie du dragon jaune, parce que les Chinois ont revendiqué le nom de cette maladie. Elle est présente dans le monde entier, sauf en Méditerranée, mais attention, c'est une maladie qui est transmise par un insecte, un vecteur, et cet insecte est arrivé au Portugal. Sans la maladie, juste l'insecte, mais la Méditerranée est menacée. Attention dans le transport de plantes, ne voyagez pas avec des plantes d'un peu n'importe où. Et aujourd'hui, en effet, il y a le Brésil qui essaye de trouver des solutions pour lutter contre cette maladie. Aujourd'hui, on a zéro solution. Ah, donc le génie génétique. Alors si le Brésil essaye, a priori ça ne marche pas, mais c'est le seul pays qui essaye avec du génie génétique, mais pour l'instant les résultats sont pas convaincants. Damien aimerait savoir si votre centre de San Giuliano au sud de Bastia se visite, et nous aussi on aimerait bien le savoir. Alors en fait, on organise des portes ouvertes en décembre. C'est une journée. L'année dernière, nous l'avons fait le 10 décembre. Donc, en général, si vous allez sur le site internet INRA de Corse, fin novembre, début décembre, vous aurez la date de cette journée de visite. Alors, en décembre, pourquoi? Parce que c'est la meilleure période pour voir des fruits sur les arbres. Les agrumes sont des fruits d'hiver. Et on organise, le centre est ouvert de 9h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, où tous les chercheurs sont présents. Et dès qu'on a un groupe de 10 ou 12 personnes, on part se balader dans le verger, goûter les fruits en plein champ. Donc, si vous voulez voir, on n'a pas de personnel dédié. Pourquoi une seule journée? Eh bien, parce que nous n'avons pas de personnel dédié à ça, et c'est pas l'objectif de la collection. oui, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Voilà, donc, ça se visite, mais à une journée particulière. Bien. Et alors, on peut goûter combien de variétés différentes? Alors, parce que vous disiez, alors, il y en a 1000. On a plus de 1000 variétés au plein champ, mais lors d'une visite, vous allez en goûter un peu moins d'une trentaine. Ouais. Quelle est la chose en général qui surprend le plus, justement, vos visiteurs? Alors, visuellement, la main de Bouddha et le pamplemousse, le vrai pamplemousse, qui ressemble à un ballon de football. Un truc énorme. Ah bon ? Et gustativement, on a une variété, une diversité d'oranges assez exceptionnelle, avec des goûts un peu différents, des couleurs différentes. On a des kumquats, on a le parfum du kombava, que les gens qui vivent à La Réunion connaissent ce fruit, puisqu'ils l'utilisent pour la sauce rougaille. On a des parfums extraordinaires, puisque on a la bergamote qui est connue, mais on a des fruits qui sentent la banane chimique, on a des fruits qui sentent le fruit de la passion. Il y a vraiment une diversité de parfums et de goûts qui est absolument exceptionnelle. Ce pamplemousse qui fait la taille d'un ballon de football, il en fait le poids également ? Alors non, il est un peu plus lourd qu'un ballon de football, mais il est plus léger qu'une orange si elle avait cette taille-là. C'est-à-dire que c'est un fruit qui, par rapport à sa taille, est quand même relativement léger, puisqu'il a une peau très épaisse. D'accord. Et le fruit à l'intérieur, une fois épluché, ressemble à un gros pomelo. Mais ça doit être incroyable de voir cet arbre, alors. Alors, l'arbre s'adapte, c'est-à-dire que, par exemple, un citronnier ou un mandarinier très chargé, les branches vont casser. Oui. Alors que le pamplemoussier, quand il a ses fruits et qu'il est bien chargé, les branches plient un peu comme un saule pleureur. Et c'est assez spectaculaire à voir avant les fruits. Et après, les fruits, où l'arbre change de forme. Mais ils n'auront pas. Exact. Bravo. Alors, la différence entre le citron jaune et le citron vert, question de Catherine, qui nous appelle de Meudon. Alors, ce sont bien deux espèces différentes. Le citron jaune, c'est cet hybride dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le papa, le cédra, la maman, la bigarade, peau épaisse, jaune, juteux, qu'on trouve essentiellement dans la Méditerranée. Le citron vert, c'est pas un citron jaune pas mûr. Il a une peau beaucoup plus fine, il a une pulpe vert pâle. On connaît deux variétés principales qui sont le petit citron vert à pépins, qu'on appelle lime mexicaine, qui est adoré à Tahiti pour faire le poisson cru à la tahitienne. C'est vrai. Tapuru Tahiti, c'est de la lime mexicaine. Et ensuite, vous avez la lime de Tahiti, qui est un fruit un peu plus gros que la lime mexicaine, sans pépins, très juteux, peau fine, c'est ce qu'on va trouver dans le commerce, et qui est principalement cultivé au Mexique. Mmh. Donc, au Mexique, la saveur n'est pas du tout la même que le citron jaune, d'ailleurs. Tout à fait, c'est pas le même parfum. Mais l'anecdote, c'est de dire que le Mexique cultive la lime de Tahiti, et à Tahiti, on utilise la lime mexicaine. Alors, les mandarines et les clémentines, et l'histoire de Monsieur Clément, s'il vous plaît, Franck Kurk. Alors, la mandarine, en fait, est la maman de la clémentine. La clémentine est née d'un semis de hasard du père Clément, qui était un père blanc, qui avait un orphelinat à Messerguine, à côté d'Oran, en Algérie. Et puis, il a semé des pépins de mandariniers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous plantez des pépins de mandariniers, vous avez 90 chances sur 100 d'avoir un arbre identique à la maman. Ouais. Et le père Clément, sur un des pépins qu'il a semé, il a eu un arbre différent. Il s'en est pas rendu compte. Et c'est quelques années plus tard, quand cet arbre a commencé à fructifier, que des enfants sont allés sur cet arbre spécifiquement, quelques mois avant la maturité de la mandarine, goûter ses fruits. Le père Clément a dit, tiens, c'est bizarre, normalement les mandarines ne sont pas mûres en cette saison. Il a découvert un fruit différent, qui a été décrit pour la première fois en 1902 par le professeur Trabu, et baptisé Clémentine en l'honneur du père Clément. Ouais. Et la clémentine est censée ne pas avoir de pépins. Hein. Alors la clémentine, attention, elle est sans pépins quand elle est cultivée dans un verger où il n'y a que des clémentiniers. Ouais. Parce qu'elle a deux caractéristiques. La clémentine est dite parthénocarpique, c'est-à-dire que elle peut donner un fruit même si elle n'est pas fécondée, et elle va donner un fruit sans pépins. Donc pas de pollen, un fruit sans pépins. En revanche, elle est auto-incompatible, c'est-à-dire que du pollen de clémentinier sur une fleur de clémentinier, ça ne marche pas. Vous avez quand même un fruit, mais sans pépins. Mais elle n'est pas stérile. Donc si vous avez du pollen d'oranger, du pollen de citronnier ou de mandarinier sur cette fleur, vous allez avoir toujours une clémentine, mais à pépins. Voilà pourquoi, si vous achetez un clémentinier dit sans pépins et que vous le plantez dans votre jardin à côté des orangers et des citronniers, vous aurez des pépins. Franck Kurk, Daniel nous dit que nous sommes paresseux en France, à quand des mandarines sans pépins, justement? Alors, nous avons, nous, la chance d'avoir en collection une variété de mandarines qui a le parfum de la mandarine. Cette mandarine que certaines personnes connaissent de leur enfance, très parfumée, pleine de pépins, une vingtaine de pépins par fruit. Mmh. On a une sélection où il y a un ou deux pépins par fruit. Le problème de cette mandarine, c'est qu'elle va mûrir en janvier-février, donc bien après les fêtes. Et qu'elle a un parfum qui, pour les gens de ma génération, est un parfum très agréable. Mais quand on fait des tests avec des enfants, ils préfèrent la clémentine. Donc la mandarine sans pépins existe. En revanche, elle mûrit trop tard et elle a un goût trop fort. Mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les enfants. Moi, je préfère personnellement attendre janvier et manger de la bonne mandarine. Même si mon agrume préféré reste quand même la clémentine de Corse. Et Lucille nous dit, j'habite en Guadeloupe, j'ai planté des pépins de citron vert, des petits arbres ont poussé, mais des amis m'ont dit de les greffer, sinon ils ne donneront rien. Vous semblez dire l'inverse, si j'ai bien compris. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. Si vous plantez des pépins de petits citrons verts, vous aurez des arbres qui vous donneront des citrons verts, mais après 10, 12 ou 13 ans après plantation, c'est-à-dire qu'on a une phase de juvénilité qui est beaucoup plus longue. Si vous le greffez, vous aurez des fruits plus tôt. Mais si vous ne le greffez pas, vous aurez des citrons verts dans une dizaine d'années. Franck Kurk, combien d'espèces alors aujourd'hui répertoriées dans le monde? C'est infini puisque vous avez vu, on arrive à les croiser entre elles très facilement. Alors d'espèces vraies, globalement, moi je dirais qu'il n'y en a qu'une puisque tout s'interpollinise et on arrive à tous les croiser. En termes de diversité et de variété, c'est infini. Bon, ben on espère pouvoir aller vous rendre visite cette fameuse journée du mois de décembre, hein, c'est ça? Vous serez bienvenue. Et unique journée, il faut réserver longtemps à l'avance, j'imagine, donc à Saint-Juliano. Alors, pas besoin de réserver, il suffit de se présenter. Dès qu'on a un groupe de 10 personnes, on va se promener. Bon, ben écoutez, en tout cas, ce sera pour Noël prochain, en tout cas avant les fêtes. Et puis en attendant, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à vous depuis la Corse. Et salutations à vos confrères chercheurs qui travaillent avec amour sur les agrumes. Merci Franck Kurk. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Chronique du jour consacrée à un livre qui traite des décisions absurdes. Oui Mathieu, ou plutôt trois livres consacrés au même sujet. Comment des gens rationnels, éduqués et intelligents en viennent-ils à prendre autant de décisions stupides et dangereuses? Leur auteur, Christian Morel, avait sous-titré le premier tome « Sociologie des erreurs radicales et persistantes ». J'adore. Et je ne suis pas le seul car cet essai, publié en 2002, est devenu un best-seller maintes fois primé. Alors, des exemples d'erreurs, Dominique? Alors, bon, les plus fascinants, ça concerne toujours le transport. Hein. Deux pétroliers qui se croisent et se lancent dans une manœuvre d'évitement pour finir par se rentrer dedans alors qu'il aurait suffi qu'ils gardent leur cap pour éviter la catastrophe. La santé n'est pas épargnée. Erreur de côté lors d'une opération ou de diagnostic aux urgences. Et j'ajoute, les réformes du système de santé français depuis 20 ans, aussi coûteuses que désastreuses. Alors, comment échapper à ces décisions absurdes? Eh bien, c'est justement le thème du deuxième tome. Et ce qui est fou, c'est que l'on retrouve sans surprise les moyens, les méthodes qui ont fait leurs preuves et la même obstination absurde des autorités à ne pas en tenir compte. Leur gestion du risque, fondée sur des réflexes archaïques, est à peu près aussi judicieuse et efficace que de cacher les bouteilles d'un alcoolique ou de dire à un dépressif de se secouer. C'est tentant, mais c'est idiot. Vous ne serez pas surpris d'apprendre, Mathieu, que ce qui marche repose sur une prise en compte prioritaire du facteur humain, de la compétence et surtout de la communication interhumaine, c'est-à-dire tout ce qui est mis de côté dans la gestion actuelle de notre système de santé au profit de règles, de procédures rigides et d'évaluations quantitatives qui passent complètement à côté des choses les plus importantes. Et comment on en arrive là, Dominique ? Ah, eh bien, ces règles rigides constituent le thème du troisième tome des décisions absurdes publié l'année dernière. Ces procédures devraient constituer un support pour la compétence, mais pas la remplacer. Tout cela est connu de longue date, mais n'empêche pourtant pas les autorités sanitaires de fonder l'évaluation de la qualité des soins sur le respect des procédures. Enfin, les instincts dominants des dirigeants altèrent leur rationalité. Par exemple, il est prouvé que l'abolition des punitions pour les auteurs d'erreurs qui les rapportent spontanément améliore considérablement la qualité des soins. Ce principe est malheureusement peu appliqué à l'hôpital. Il est également prouvé que le travail en binôme diminue considérablement le risque d'erreur de diagnostic, mais attention, il ne suffit pas de faire intervenir deux médecins sur le même patient pour limiter les erreurs. Il faut qu'ils aient le temps de communiquer entre eux, d'échanger leur point de vue. C'est le principe de l'élève qui apprend du maître, mais qui constitue aussi un garde-fou, ne serait-ce que parce qu'il pose des questions plutôt judicieuses. Les décisions absurdes ont malheureusement de beaux jours devant elles. Cela ne pourra changer que le jour où nous aurons un ministre de la Santé conscient de ces réalités. Merci beaucoup Dominique Dupagne, chronique à réécouter sur franceinter.fr. À mardi prochain. Voilà, c'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique, Fanny Boyon pour la réalisation de l'émission et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Dans quelques heures, tout à l'heure, 20h, je vous rappelle que nous vous attendons pour participer à notre deuxième conférence autour du cerveau sur le thème de l'attention et de la concentration. On sera tous en place pour justement vous faire découvrir les mécanismes de l'attention et de la concentration et pour savoir comment notre cerveau permet de mieux se protéger contre tout ce qui vient parasiter nos vies. Si vous souhaitez y participer, vous avez encore la possibilité de prendre vos billets dans les cinémas qui sont partenaires et dans lesquels vous pourrez voir donc la diffusion en direct de l'émission depuis le studio 104. Pour cela, vous pouvez aller donc sur franceinter.fr et vous trouverez forcément un cinéma près de chez vous pour nous retrouver donc ce soir en direct pour parler attention et concentration. Bonne journée, à ce soir on l'espère ou à demain.